Mes songes parlent de messages, mes rouages, l'héritage. J'ai perdu le sens, la direction, désespoir. Ah. Sauvegarder la mémoire, sauvegarder le courage, ne pas renoncer contre l'adversité affaiblie. Mais ne pas renoncer, mais ne renoncer jamais. Croire à défaut d'autre, en soi, c'est tout ce qui restera. Ta mémoire, de ne pas te trahir, de ne pas trahir la mémoire du passé. C'est tout ce qui reste à la fin, la mémoire, le passé, toi, eux, rien ne restera. Même les ennemis mourront et ne repousseront pas. Même le pire des pourris pour l'instant crève et ne reste pas. Or le formol, le cryogénie et les méthodes de conservation des tissus. Mais l'esprit meurt, mais l'esprit meurt. Quel est le sens de l'existence, de l'existence? Mais quel est le sens d'une existence? Mais combien, mais quel est le sens d'une existence, de l'existence? Quel est le sens d'une existence?